Bonus. Trax. Bonjour à vous, auditrices et auditeurs. Enfilez votre caouet, relevez votre capuche, nous partons sous la pluie. Méfiez-vous, rien ne vous y veut du bien. Les sirènes de l'adversaire rôdent et la seule zone sûre est Libreté. Mais le danger guette à l'extérieur comme à l'intérieur. Bonne écoute. Eh bien, nous voilà présents pour la troisième session de Libreté. Donc, je suis Jordi et je jouerai l'adversaire. Et donc, je suis avec Riley. Riley, présente-toi, qui joues-tu ? Bonsoir, moi je suis Jasmine, la princesse Jasmine. J'ai toujours bonne mine et je suis la future chef de Libreté. Là, j'ai une cour avec moi qui m'admire, des enfants qui m'admirent. Ouais. Et j'essaye tant bien que mal d'assumer ma puberté. Je commence à avoir des envies que je ne comprends pas. Une cour qui bat un peu de l'aile, je crois, dernièrement, mais bon, on verra ça plus tard. Oui, voilà, mon corps change, mais j'essaie quand même de me faire des amis. C'est important. Malouin, tu es avec nous également. Alors moi, je joue le petit Pitoun. Le petit bouf. Petit gars qui est de bonne composition, qui sait toujours d'aider les autres, mais qui a forcément, vu son âge, énormément besoin des autres. Petit bouf à qui on risque de demander quelque chose d'un peu trop gros pour lui prochainement, mais bon, ça, on va voir ce qui va se passer. Nous avons également Brise Rotule. Tout à fait. Moi, je joue Martel. Donc Martel qui est la chef des marmites, donc des cuistots de notre refuge. Voilà. Et Martel là, qui s'est mis déjà à dos plusieurs personnes, hein, qui du coup risque d'être obligée également de faire des choses sur lesquelles elle n'est pas tout à fait prête. Mais bon. Tout à fait. Ça c'est pareil, nous verrons ça plus tard. Et pour finir, nous avons Choukoula. Salut. Alors moi je jouerai Gros Momo. Alors Gros Momo c'est une brute qui appartient au pétard et qui ne se laisse pas faire. Et qui violente plutôt pas mal les autres. Il appartient aux ampoules, si je puis me permettre, plutôt. Oui, aux ampoules et sous-lieutenant Pétard. Ah, c'est ça, c'est Pétard. Le sous-lieutenant, enfin, est-il vraiment sous-lieutenant puisque nous reprenons au moment où Martel et toi constatez à votre réveil à l'infirmerie que Tom, le chef des ampoules, est retrouvé mort. Du sang tout autour de lui, la gorge avec une blessure manifeste hein, qui a laissé s'écouler sa vie pendant cette nuit agitée pour lui en tout cas. Donc vous vous réveillez en constatant ça. Oh mon dieu. Alors il y a d'autres personnes également dans l'infirmerie hein, qui se réveillent aussi petit à petit et qui vont constater ça. Donc à vous de me dire un peu comment vous réagissez par rapport à ça. Je regarde aux alentours s'il y a quelqu'un déjà debout qui était à la base qui devait surveiller la salle. La personne responsable, il me semble que c'est une petite aux lunettes. Alors, il y a Belle, c'est une binocle qui, de mémoire, n'a pas de lunettes. Voilà, c'est d'après mes souvenirs, mais la nuit était difficile. C'est la chef des binocles, donc tu... voilà. C'est un faux ami, elle n'a pas de lunettes pour autant. Ok. Et en fait, elle s'était occupée de vous toute la journée précédente, hein, pratiquement, et du coup, elle goûter d'un repos bien mérité, donc effectivement elle n'a pas passé la nuit directement dans l'infirmerie. Après, s'il y avait un gamin qui surveillait un peu les blessés, il a dû s'endormir sur une chaise quelque part. Tu vois. Okay. Martel, toi comment tu réagis à ça quand tu vois ça ? Moi déjà, j'essaye d'empêcher les enfants potentiellement de toucher le corps, de le déplacer, de se précipiter dessus dans la panique. Enfin, j'essaye de contrôler la scène avant que les gardoches n'arrivent. Pourquoi les gardoches arriveraient-ils ? Parce que il y a un meurtre et c'est eux qui font la police, non ? Mm-hmm. Est-ce qu'ils le savent ? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Pitoun, tu es en train de dormir et il y a Nourson qui vient te voir comme d'habitude et qui te console dans la nuit hein, évidemment. Et le matin arrive et Nourson te dit il ne faut pas que tu partes, Pitoun, il ne faut pas que tu quittes cette enclave. Tu es en sécurité ici. Si tu pars, il va se passer des mauvaises choses pour toi. Tu dois rester ici. Ils vont te demander de les suivre, mais c'est dangereux. Tu ne réponds pas. Oui, mais si Martel s'en va, je la suivrai parce que je ne veux pas qu'il lui arrive des méchantes choses. Non, tu ne dois pas la suivre. Martel peut se débrouiller toute seule, tu sais. Elle n'a pas besoin de toi. Toi, tu as besoin de rester ici, à l'enclave. Tais-toi. Laisse-moi... Je ne peux pas... Comment ? Donc là, tu te cries dessus, tu vois, l'espace d'une demi-seconde, ses yeux s'écarquiller, sa bouche s'ouvrir en grand, tu n'as pas le temps de deviner des dents acérées que tu te réveilles en sursaut. Ok, donc le nounours, il fout un peu les jetons. Un sympa. Un petit peu. Faut pas le fâcher, quoi. Peut-être l'emmener avec, peut-être péter 2-3 sirènes au passage. Tu te réveilles en sursaut, tu sens comme si ton ourson se. Pendant une demi-seconde, c'est comme s'il se débattait dans tes bras. Et tu pousses un grand soupir et voilà, tu te vois assis dans ton lit avec ton ourson dans la main. Et je le repose sur le lit et je quitte la chambre en fait. Je quitte mon lit toujours. D'accord. Alors je vous rappelle que pour toute chose qui vous choque, qui vous. Etc. Un ourson qui vous fait peur, un cadavre découvert au matin, etc. Vous pouvez prendre de la bile, bien évidemment. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. À votre convenance. Je vais prendre 3 pints de bile. Ça t'a bien secoué là. Ouais, ça m'en fait 7 en tout. 7 ? Ah bah c'est bien ça. Ça c'est bien ça. D'accord. Moi aussi c'est bien, mais. C'est bien pour moi. Je vais en prendre 3. Je vais en prendre 3 également. Hop, on va te foutre dans le dortoir des petits plutôt pitounes d'ailleurs, tiens. Oui, c'est que je m'étais posé là. Ouais, d'ailleurs il y en a. Hop, Jasmine va aller dans le grand dortoir, c'est parfait. Et il me manquerait Momo. Momo. Ah, l'infirmerie maintenant. Ouais, je crois aussi. Ouais, t'as l'infirmerie. Ouais, t'étais en sale état. Donc, Jasmine, toi, tu te réveilles, hein, tu te prépares tranquillement, tu t'entends une espèce de petit cri étouffé juste à côté dans le petit dortoir. Tu penses reconnaître Pitoun. Je vais le voir. Pitoun, ça va ? Ou t'as une sale tête ? Oui, ça va. J'ai fait un mauvais rêve. Ah, d'accord. Je m'assois à côté de toi dans le lit et je te mets la main sur l'épaule et je dis mais je suis là Pitoun, tu peux me parler, tu sais. Je sais qu'il y a Martel, mais moi aussi on peut se confier à moi, tu sais. Je suis quelqu'un de confiance. Enfin tu me connais. Tout à fait, mais ces oursons, je pense que je dormais et ben, il m'a fait peur dans mon rêve. Ourson. C'est un ourson. C'est qui l'ourson ? Ben, c'est mon nounours. D'accord, très bien. Ok, Pitoun, je sais pas si je peux t'aider en fait. Tu sais, moi je me suis débarrassé de. J'avais un ourson aussi, moi, quand j'avais ton âge, tu vois. Et je m'en suis débarrassé parce que. Voilà. Il vaut mieux être un adulte, je pense. Et lâcher ton ourson, ça va te faire grandir et tu feras plus de mauvais rêves. Enfin, c'est que mon avis. Hein. Bon, bah, si tout va bien, Pitoun, je te laisse. Hein. Oui, merci, mais de toute façon, je vais me lever. Je vais aller voir où sont les autres. Ah oui, les autres, oui. Très bien. Bah, je commence à me balader dans les couloirs, du coup. Ok. Martel, gros Momo, du coup, donc vous voyez, bah, c'est toujours ce gars-là. Alors, les gens commencent, enfin, les enfants commencent à se réveiller un peu dans l'infirmerie. Et... Donc il y en a qui commencent à pleurer, tu les empêches de s'approcher, mais bon, ils constatent quand même ce qui se passe. Et ben, que faites-vous ? J'appelle les gardes. Enfin, je demande à quelqu'un d'aller chercher les gardes. Ok. Donc bah, vous voyez effectivement des gardoches qui arrivent. Il y a, comment elle s'appelle, Belle également, qui finit par débouler, qui constate le truc. Elle paraît quand même très choquée. Elle demande vite aux gardoches de l'emmener ailleurs. C'est pas trop. Avant qu'il l'emmène, j'essaie de jeter un coup d'œil sur comment il y a des signes distinctifs sur son cadavre ou quelque chose qui pourrait me donner 2-3 indices sur qui a fait ça et comment. Surtout. Je crois pas qu'il y ait spécialement de jet pour ce genre de choses. Non. Tu vois clairement, comme j'ai dit, une blessure assez nette à la gorge. Probablement quelque chose de tranchant. D'accord. Est-ce qu'il y a, il y a des signes de lutte ou. Il est mort dans son lit ou... Il est mort dans son lit, manifestement. Est-ce que la plaie est déchiquetée par une lame, genre comme par exemple par une lame grossière ou dentelée, ou c'est bien net, bien propre ? Tes années d'expérience médico-légale ne te permettent pas de déterminer ce genre de choses. Ah, zut. Il a fallu que tu finisses ton stage. Il a fallu que tu finisses ton stage. Comment dire, à la morgue du New York. Est-ce que le temps passé à découper des champignons dans les cuisines a permis de reconnaître les différentes empreintes de couteau ? Ouais, c'est... Non. Non. Dommage. C'est quelque chose de tranchant, après, voilà. Très bien. Ah, je crie, est-ce que quelqu'un a vu qui a fait ça ? Je regarde aux alentours, genre en mode agressif. Mais tu vois les enfants qui se regardent un peu les uns les autres, qui cherchent à voir si quelqu'un va dire oui, quoi, tu vois. Mais pas de réponse. Qui était censé nous surveiller ? Bah, tu vois, gamin qui était sur sa chaise, qui te regarde l'air un peu penaud. T'as rien vu ? T'as laissé le meurtrier rentrer sans rien voir ? Il aurait pu tuer n'importe qui d'entre nous ? Pas de réponse. Il secoue la tête. Ah. Est-ce que je sais s'il y a Pas des rondes, mais ouais, des rondes parmi les gardes dans les alentours ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas de ronde. Le danger vient de l'extérieur, donc il y a des gardes qui sont placés aux entrées, mais il n'y a pas de ronde. Il faut faire un rapport au grand chef, là, à l'aîné. Donc le garde hoche se... Appelez-nous l'aîné. Se hoche la tête, il dit ouais, t'as raison, il se casse. Moi, je me rallonge, étant donné que j'ai encore un peu mal. Je vous ai d'ailleurs, à Martel et toi, je vous ai enlevé une coche de blessure, pour mieux vous en rajouter plus tard, peut-être. Moi je cherche Edouard éventuellement. Ok. Le garde-chef. Si. Parce que j'ai vu qu'il y avait d'agitation pour en savoir plus. D'accord. Bah écoute, donc tu le trouves en train de se préparer, de s'habiller, d'aller se préparer pour aller manger probablement. Bah il t'explique qu'effectivement il a entendu dire que oui, qu'il y a eu un mort à l'infirmerie et ce serait Tom, le chef des ampoules. Oh mon dieu. Il serait mort dans la nuit. Tom ? Pour l'instant il n'en sait pas plus. Non. Il ne parle pas de meurtre, hein, il parle juste de mort. Ok, je suis un petit peu choqué. Je prends un point de bile, du coup. Ouais, il essaye de te rassurer en te prenant brièvement dans ses bras. Ouf, ouf, ouf. Là, je deviens toute rouge et je me serre contre lui, moi aussi. Et je lui dis, j'ai peur, Edouard. Je suis là, dit-il, parce qu'il a dû voir un film qui disait ça, tu vois. Oui, moi aussi. Je suis là. Allons manger, ça nous changera peut-être les idées. Ah oui, tu as raison. Toi, Pitoun, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais ? T'en as vraiment gros après cette nuit-là, qui t'a pas amené le repos que t'aurais souhaité ? Je me dirige vers l'infirmerie, puisque c'est là que y a Martel principalement, et puis Belle devrait être pas loin aussi. Ouais, tout à fait. Et ben donc t'arrives au moment où tu vois les gardoches qui se barrent avec un corps. Bon, tu tiltes pas forcément. Il y a Belle qui est toujours là, qui a l'air choquée. Martel et Grombo qui sont présents également. Et tu vois ce qui fut le lit de Tom, imbibé de sang rouge, ce qui pourrait peut-être être le moment pour craquer. C'est-à-dire, oui, c'est effectivement, ça me paraît le bon moment, mais après, je... À craquer, c'est-à-dire tu fais un jet de craquer et on voit ce qui se passe. Si tu le réussis, c'est-à-dire si tu fais de 2 à 7, tu ne laisses pas la bile t'influencer, et sur plus que ça, bah, il se passe des choses et tu craques. Donc tu es obligé de miser 3 de bile, tu n'as pas le choix. Et donc, bah, je te rejoins à jeter 2d6. Donc 10. Oh là là. Donc 10. Donc la bile noire commence à t'infecter. Tu perds ta mise, donc tu perds 3 de bile. Et tu choisis une option. Soit tu coches une case de pourriture, mais tu gardes le contrôle. Soit tu craques et... Comment pourrais-tu craquer ? A priori, enfin là comme ça, après je ne sais pas ce que... Oui. Ce que le craquage va être, mais a priori je vais plutôt aller vers le craquage, puisque en tant que petit enfant, je vais plutôt avoir tendance à me laisser aller, quoi. Eh bien, tu comprends que tu n'es plus en sécurité ici, puisque à la fois dans ton sommeil et à la fois dans ton réveil, ça se passe mal, ça se passe mal, et donc tu décides de sortir de l'enclave. Voilà. Là maintenant tout de suite là. Oulala. C'est-à-dire. Ah bah, c'est-à-dire que tu te barres par la porte, quoi, tu te casses en courant sous la pluie. Parce que. Ah ouais. Enfin, il va essayer. Ouais. Ok. Bon ben faisons ça alors. Ok. Donc bah, Martel, hein, gros mot, vous voyez Pitoun qui voit ça, qui se met à hurler, hein, très certainement, et qui fait demi-tour et qui se précipite vers la porte d'entrée, qui passe entre les pattes des gardoches qui font ouais, qui commencent à crier, il ouvre la porte et se barre en courant sous la pluie. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand, moi qui grandis tous les jours, je suis là et j'attends. J'attends que le jour se lève de réaliser le rêve aujourd'hui et maintenant de n'être plus un enfant. Je patiente doucement que l'on veuille seulement m'accorder une seconde, un petit morceau de monde. Que faites-vous ? Eh ben, je crie gros Momo avec moi et je lui cours après. Oh putain, qu'est-ce qui se passe ici ? Et j'essaye de courir pour rattraper Pitoun. Ok. Eh bien, je pense que vous allez me faire un jet de jouer les casse-coups. Jouer les casse-coups. Oui. Ok. Allez, alors... Sachant que vous avez des désavantages à cause de vos blessures. Qui c'est quoi ? Ça marche comment, du coup ? Un désavantage, ça veut dire que je peux, si je le souhaite, appliquer un moins 1 sur votre jet. Oui, mais tu le feras pas. Pas si vous faites 11 ou plus. Et c'est 2d6 du coup. 2d6 plus la bile si vous souhaitez y mettre de la bile. Moi je gagne de la bile. Moi je gagne de la bile maintenant là parce que les êtres en défense sont en danger. Tout à fait. Je vais mettre un de bile sur les deux que j'ai. Ok. Oh là là, nous avons 2 9, c'est magnifique. Donc un succès parfait. C'est beau, c'est le talent. Donc vous courez à la suite de Pitoun, hein, qui courait un peu sans savoir trop où aller. Hein, donc effectivement, vous arrivez à le rattraper. On est chaud là. Au bout d'une ou deux rues. Putain, mais Pitoun, mais qu'est-ce que tu fais? Retourne à... dans l'enclave là, t'es malade. Je le secoue un peu de manière plus ou moins violente quand même. Plutôt plus violente que pas. Plus ou moins violent. Genre je me contrôle pas, pour moi c'est vraiment un acte irréfléchi et ça me met hors de moi. Même si j'aime bien jouer les casse-coups, mais que ça vienne de Pitoun, c'est ça me met hors de moi, donc voilà. Mais c'est dangereux là-bas, mais... Mais tu crois que on est en sécurité, il pleut, on peut se faire attaquer à tout moment. Vite, il faut qu'on rentre. Ouais, je le tire à l'intérieur. Oui, bah après, pour Pitoun, hein, ça va aussi mieux. Hein, t'as lâché un peu ce que tu devais lâcher comme émotion. Et bon, tu peux revenir à des réflexions plus normales, on va dire. Inconscient, ce gamin, inconscient. Ouais, je gagne de la bile. Parce que je veux... Encore. Ah oui, mais je sens bien que j'ai... Enfin, je me rends compte de la connerie que j'y viens de faire, en fait. Et du danger que j'ai fait courir à ceux qui ont secouer, en fait. Ok. Moi, je parle à Martel. Martel, en soi, il a un peu raison à l'intérieur. On n'est plus en sécurité. Il faudrait parler à l'aîné pour commencer à mettre des rondes ou des trucs comme ça pour surveiller qui fait quoi. Parce que la personne qui a tué Tom, elle est encore à l'intérieur. Je suis d'accord, gros maman. Avec l'aîné en ce moment, c'est... L'aîné avec moi, il m'a un peu en rogne. J'espère qu'il entendra quand même raison. Le barbu. On peut venir avec toi et on peut appeler Pétard, oui. Le barbu, ouais. Parce que là, il va falloir aussi retravailler sur l'organisation, parce que notre chef est mort et on est en période de crise, donc faut vraiment réélire un nouveau chef et s'organiser, parce que là, ça a plu. On va voir. Non, on va voir déjà ce que Freddy, le chef des gardes, peut mettre en place en termes de surveillance. Et on va essayer, de toute façon, nous on a une expédition. Enfin, moi, je te rappelle que j'ai une expédition à préparer également. Faut voir si l'expédition est toujours d'actualité avec ce qui vient de se passer. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée avec cette histoire de meurtre? Ah bah justement. Moi je pense que de base c'est pas une bonne idée de me confier ça à moi, mais c'est pas moi qui décide. Vous entendez l'estomac de Pitoun qui gargouille horriblement. Ah, va falloir manger. C'est vrai, il nous reste plus beaucoup de provisions, c'est ce que tu disais la dernière fois. Oui, ça commence à être compliqué. Oui. Oh mon dieu. Bon, pour réorganiser ça tout de suite, je pense qu'il faut faire une réunion d'urgence ou quelque chose comme ça pour mettre en place tout ce qu'il faut. Enfin, mais s'il faut y aller, moi, je suis partant. Tu me connais, risque tout, je risque tout. Je suis un casse-cou. Bah écoute, ça tombe bien, je comptais justement te demander de nous accompagner parce que on aura besoin de gros bras et... Je préfère emmener quelqu'un en qui j'ai confiance, mais c'est vrai que t'as encore besoin d'un peu de repos, et de toute façon cette expédition, je sais pas si elle est toujours d'actualité, faut qu'on aille tirer ça au clair. Okay. Faut qu'on retourne au cadavre, j'espère que l'aîné a été appelé. Le barbu. Le barbu, faut appeler le barbu là tout de suite là. Moi, Jasmine, donc toi t'es dans le réfectoire. Oui. Bah, tu vois que les gens commencent à s'impatienter, en fait il se passe rien, personne n'amène de la bouffe, donc ça commence un peu à taper un peu sur les tables. Ok, pour m'excuser pour hier, parce que ça m'embête de perdre quelqu'un de ma cour. Mm-hmm. J'ai envie d'arranger les choses. Oui, je crois que t'avais d'ailleurs, comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? Sandy. C'est Sandy qui a noté que ce serait intéressant de trouver quoi lui faire. Ah oui, exact. Je peux te faire pardonner. T'accueilles assez froidement. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici, disons? C'est quoi ce sang-là? Alors ça a été enlevé, hein, probablement depuis. Ah. Ou c'est en train d'être enlevé. On peut estimer que tu peux le voir quand même, pourquoi pas. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Oui, Edouard m'en a parlé. Oui, Sonia, bonjour, tu vas bien? Ouais, enfin, non. Et Tom est mort cette nuit. Oh mon dieu, oui, j'ai appris ça, c'est terrible. À la fois, elle est un peu froide, mais en même temps, tu vois, le côté choqué casse un peu le mur qu'elle aurait peut-être voulu construire contre toi, tu vois. Donc, d'accord. Donc ça laisse aussi une ouverture. Quoi. Tu étais présent? Tu as vu quelque chose? Non, je dormais. C'est presque encore plus horrible. Ça s'est passé sous mes yeux et j'ai rien vu. Ça aurait pu être toi. C'est horrible. Oh, mon Dieu, Sonia, j'ai pas envie de te perdre, tu sais. Je lui donne la main, je la serre dans la main, je lui dis je suis vraiment désolé pour hier, je sais pas ce qui m'a pris, tu sais, moi, c'est sûrement les hormones. Enfin, j'ai entendu parler des hormones, je crois que c'est sûrement ça, tu vois, qui me fait des sautes d'humeur. Je voulais vraiment pas être désagréable avec toi, Sonia. Est-ce que tu cherches plus à la convaincre ou plus à te confier, tu vois? J'hésite un peu entre ces deux mots. À me confier? Je sais pas, ouais. Confier lorsque j'ai besoin d'amour, envie de partager quelque chose d'intime ou simplement de passer un bon moment avec quelqu'un. Ah oui. Je sais pas. Si, j'utilise la confidence pour qu'elle redevienne mon amie, quoi. Mm-hmm, ça peut. Tu veux que je lance le dé maintenant, du coup? Ah bah, s'il te plaît, oui. Je mets pas de bill. Si, je mets un point. Ok. 6. Si c'est un échec... C'est pas possible, quoi. J'ai même un pote, quoi. Cette Sonia, ça va être très compliqué. Donc tu ouais, voilà, elle sent bien que c'est un peu ton jeu est un peu faussé, en fait, hein. Elle connaît tes ficelles. Oui. Du coup, elle t'a vu faire, quoi. Donc. Ah oui. Écoute, Sonia, si tu veux, je peux te ramener un petit cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, tu vois? Moi aussi, je suis là pour toi, tu vois. Comme tu étais là pour moi, je peux être là pour toi, tu vois. Tu as besoin de quelque chose? Parce que je vais bientôt, figure-toi, que je vais bientôt quitter cet endroit pour une grande mission, une grande expédition qu'on m'a confiée. Donc, si tu veux, je peux te ramener un petit cadeau. Ça te dit? Bien, si tu me connais aussi bien que tu le dis, tu trouveras. Ah, je lui fais un clin d'œil, je fais bien évidemment, Sonia. Je sais déjà ce que je vais te ramener. Aucun problème. Je vais quand même en parler à ton frère, on sait jamais. Peut-être qu'il voudra m'accompagner lui aussi. Alors, pour rappel, la bille qui est dépensée sur un Gératène est gardée. Hein. Ah oui? Ah ok. Je sais pas si c'était assez clair avant, mais. Tant mieux. Non, moi je l'avais pas en tête en tout cas. Non plus. La bille est faussée que si le jet est réussi ou trop réussi. Enfin, ou à partir de 8. Quoi. Ok, bah je sors. Je sors de l'infirmerie un peu dégoûté. Et c'est là que tu tombes sur Martel, Gros Momo et Pitoun qui vont vers la salle du trône, en fait. Je les vois trempés, en plus. C'est ça, ce que j'allais dire, ils sont un peu piteux, ils sont trempés. Ouais. On est un peu Pitoun. Ah. Bravo. Martel, je cours vers Martel. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes allé dehors? Ça va pas? 4 forces majeures. Mais bon, c'est réglé. 4 forces majeures, oh là là. Je lui baisse la tête. Ouais, on a des un peu plus bêtes que d'autres, on va dire. Et je secoue Pitoun pour bien faire comprendre que c'est à cause de lui que je suis mouillé. Mais Pitoun, je crois qu'il a fait des cauchemars cette nuit, faut pas lui en vouloir. Hein. Oui, c'est pas grave, allez, c'est réglé, il s'est rien passé. C'est bon. Ok. Et vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites? On va voir le barbu. On a faim, on a faim, on a faim. Et pourquoi vous allez le voir Bon bah moi je vais faire un arrêt par le réfectoire parce que j'ai l'impression que je suis pas aidé. On a faim, on a faim. Martel, ouais. Martel, au pire va voir, va leur donner à manger, je vais juste m'entretenir rapidement avec le barbu. Ah moi, est-ce que je sais si le barbu est au salle du trône ou dans la cuisine? Bah il peut être en cuisine certainement pas, mais salle du trône ou au réfectoire. Eh bah je vais jeter un coup d'œil. Moi je l'ai pas vu au réfectoire moi. Non tu l'as pas vu, après t'as passé quelques minutes avec Sonia. Après vu le bordel que c'est au réfectoire, il y a peu de chances qu'il dise toi. C'est pas le genre à laisser passer du bazar comme ça au réfectoire. Bah moi j'ai envie de suivre Gros Momo, donc je te... Ça te dérange si je viens avec toi? Parce que je crois que le barbu il m'aime bien, donc... Ah bah c'est cool. Ouais, viens, viens. Ouais. En plus, j'aime bien la bonne compagnie. Pitoun, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, il me vient une idée, façon de parler, en fait. Je mettrais bien un ourson dans la salle de chauffe, en fait. Chidé. D'accord. Bah écoute, tu peux faire ça, y a pas de souci. D'ailleurs, il en est où, Jackie, qu'on avait posé dans la salle de chauffe? Marco, il est encore dedans, ouais. Ouais. Il pour 24 heures, donc ce sera en fin de journée qu'il pourra sortir. Très bien. Il est sec. Il est complètement sec, il est déshydraté. Bah écoute... Il pourra... Et tout à plat, là, il a perdu 6 kilos, là, et... Il pourra profiter d'un petit ourson, également. Mm-hmm. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord, le barbu ou la cuisine? Comme tu veux. C'est fou, le MJ. Bien. Allez, allons-y pour la salle du trône. Oui. Donc, Gros Momo et Jasmine, vous arrivez à la salle du trône. Donc, il y a le barbu qui est là. Bon, vous voyez qu'ils sont... Il y a plusieurs autres personnes, évidemment. Hein. Ils sont manifestement prêts à se rendre quand même au réfectoire bientôt. Ils sont en train de discuter autour du Triceratops quand vous arrivez. Je me mets légèrement derrière Gros Momo. Ça veut dire que c'est à toi de parler. Hein. Oui, exactement. Moi, j'arrive et je leur dis bonjour messieurs, vous savez ce qui vient de se passer ou j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe ici. Je parle au barbu. Si tu parles du meurtre de Tom, si nous sommes au courant. Est-ce que j'ai l'impression qu'ils sont plutôt calmes ou... Ils sont très préoccupés, manifestement. Peut-être certains ont l'air choqués. Enfin, non, c'est pas... Il n'y a pas d'effusion, enfin ils sont pas en train de crier, d'agiter les bras, hein, mais oui, non, ils sont pas calmes du tout. Et vous savez quelque chose là sur ce qui vient de se passer, puisqu'on vient de perdre quand même le chef des ampoules? On n'est plus en sécurité à l'intérieur. Ah oui, ça c'est vrai, on n'est plus en sécurité. Hein. On vient de récupérer Pitoun qui s'est enfui de l'enclave parce qu'il se sentait plus en sécurité, il a craqué donc... En plus, il fait des cauchemars, Pitoun. Oui, effectivement, on a conscience que c'est un peu le bazar. Mais on va faire comme d'habitude. On va trouver un nouveau chef pour les ampoules. Et évidemment, on traquera celui qui a fait ça et on le punira. Pardon de vous interrompre, mais si ça se reproduit, on n'est pas en sécurité là. Moi j'ai peur, surtout pour moi, mais aussi pour les autres. Hein. Donc il faut des gardes, il faut plus de gardoches. Je pense que Edouard, il serait un super chef, hein, par exemple. Nous avons déjà un chef des gardoches. Il s'agit de Freddy. Mais un nouveau chef, parce qu'apparemment il est incompétent, Freddy. Donc enfin je dis ça de mon point de vue. Hein. Tu vas avoir des problèmes toi. Eh bien écoute, nous allons. Nous ferons tout à l'heure, après manger, une assemblée. Et tu pourras dire à tout le monde ce que tu penses de Freddy et on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Super. Pardon ? Ah oui, une assemblée, d'accord. Moi, je pensais que vous alliez régler ça vite, mais bon, c'est pas grave. Moi, je le dis... Enfin, en tout cas, oui. Oui, pardon, gros Momo. Si jamais vous avez une idée de chef, n'hésitez pas à penser à moi. Je suis sous-lieutenant de Pétard. Je sais comment avoir ce que je veux, on va dire. Oui. Effectivement, on l'a vu hier lorsque les sirènes sont entrées dans l'enclave. tu voulais quoi exactement, gros Momo ? Tu voulais fermer la porte ? Tu voulais te battre ? Tu voulais lâcher ta batte ? Je sais pas bien. Je me suis... Oui, c'est oui. Allez. Je n'ai corps et âme. On sent... D'accord. Eh bien, j'espère que tu es satisfait du résultat. Est-ce que j'ai entendu Jasmine rigoler derrière moi ? Je ne sais pas, c'est à elle de répondre. J'ai pouffé. Je l'ai jeté un regard en mode qu'est-ce qui te pourquoi tu rigoles, tu vois, mais sans vraiment parler. Ok, je baisse la tête et je me sens très mal. Je le regarde. En tout cas, si les gardes pouvaient mieux nous protéger, ce serait un peu mieux, sinon on va en perdre beaucoup plus que ce chef. Nous allons proposer d'enrôler plus de gardes. Je pars, genre en mode je sens que si je continue, je vais me faire humilier, du coup je pars. Je vais au réfectoire. Je suis gros Momo. Belle transition. Je lui dis sur le chemin qu'il ferait vraiment un super chef. Ouais, ouais. Pitoun, après avoir déposé ton ourson dans l'alambic, sous le regard amusé des gardoches qui gardent l'entrée de l'alambic, que fais-tu ? J'ai des vêtements pour me mettre au sec ou pas ? J'ai des vêtements de rechange ou... Oui. Bon, ben je me change et après, ben je me dirige vers le réfectoire en passant par la cuisine, en fait. Ok. Martel, tu arrives dans la cuisine et tu vois Choco et Belette qui sont allongés près des placards en train de dormir. Je réveille Choco en lui mettant un coup de pied dans la jambe. Il bouge un petit peu. Je lui mets un plus gros coup de pied dans la jambe et en criant son nom. Tu te sens un peu fatigué. Putain, je sors tout de suite de la pièce. Tu vas me faire un jet de rester éveillé d'abord, s'il te plaît. Donc sur 7 ou moins, tu vas t'endormir. Sur 8 ou plus, ça se passera un peu mieux. Ah, j'essaye, en tout cas. Tu peux dépenser, évidemment, de la bile. Oups. 10, non, parfait. Tu parviens à résister, mais tu te sens voilà, somnolent. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as le temps d'agir, mais il va falloir agir vite. J'essaye de sortir de la pièce en me couvrant le nez et la bouche. D'accord, bah tu sors, voilà. Donc tu te retournes pour voir Choco et Belette endormis. Mais j'essaye de... Donc j'appelle à l'aide. Nous, on se rend au réfectoire, je crois. Pitoun, tu rentres dans la cuisine par l'autre côté, du coup, à ce moment-là. Ah oui. Tu vois Martel de l'autre côté et Choco et Belette près de toi qui semblent dormir paisiblement. Je t'interpelle, je dis, mais Belette, d'habitude, t'es réveillé à cette heure-là. C'est n'importe quoi. Tu vas me faire un jet de rester éveillé, s'il te plaît. Tu te sens tout très somnolent. Ouais, je mets 2 points de bile. Très bien. Aïe. C'est à 11. Tu dois... Donc tu te sens très somnolent. Du coup, t'as un mouvement de panique. Tu te rappelles, t'as peut-être une vision fugace de bas de mourson. Tu dois recourir à un moyen extrême pour te tenir éveillé. Eh ben, je frappe très fort du poing contre le mur tout proche, en fait, pour que la douleur me tienne éveillé le temps de ressortir, en fait. Ok, donc tu arrives à... L'adrénaline te fait te redresser un petit peu. Tu as quelques minutes devant toi. Eh ben, je ressors de la cuisine. Ouais, donc tu martèles, tu appelles à l'aide. Je fais le tour, et je fais le tour pour aller... le tour pour aller rejoindre Martel de l'autre côté, en partant par l'extérieur. D'accord, ouais, ok. Donc, gros Momo, Jasmine, vous arrivez vers le réfectoire et vous entendez Martel crier à l'aide. Qu'est-ce qui se passe, Martel ? Il y a un espèce de somnifère très puissant dans la cuisine. J'ai failli... Belette et Choco ont perdu connaissance et j'ai failli aussi... J'ai failli baigner... Je sais pas ce qui se passe, mais il faut être très prudent. T'es sûr ils sont pas morts ? Bah, je sais pas. Mais il y a du gaz, quelque chose ? Bah, oui, sûrement, parce que ça a l'air d'être dans l'air. Ça m'a pris dès que je suis rentré. Enfin, pas dès que je suis rentré, mais c'était assez rapide. J'espère que ça peut pas sortir de la cuisine. Et là, tout de suite, je vois pas trop ce que ça peut être. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut appeler Edouard. Enfin, les gardoches, je veux dire. Ouais, faut appeler les gardoches et faites venir le barbu aussi. Ouais. Bah, on vient de les appeler, ils sont derrière nous, là. Je suis encore un peu... Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qui se passe. Martel, tu aurais pas des membres de ta famille qui sont en danger, après toi ? J'ai totalement des membres de ma famille qui sont menacés. Donc je prends bien 3 points de bile. Ok. Et t'as pas des jets à faire pour ça aussi ? Non, t'as pas des... C'est-à-dire ? Pour les protéger, tu veux dire ? Ouais, je sais pas. C'est quoi ? Non, c'est protéger, ouais, ok. Non, c'est que juste que je gagne souvent de la bile lorsque ma famille est menacée. Ouais, mais t'as aussi quand même protégé, hein. Peut-être marcher. Ah, pour aller les chercher, par exemple ? Non, ça va. À quoi tu penses ? Non ? Oui, c'est pour ça. Non, mais je regarde un peu l'option. Les options, mais non, ça colle pas trop. Ouais, c'est plutôt quand il y a un ennemi, en fait. Martel ? Oui ? T'as senti ça que quand t'as respiré, on est d'accord, si on retient notre respiration, on pourrait y aller, non ? Je t'avoue que je suis pas resté assez longtemps et pour faire des expériences sur... quand ça marche, quand ça marche pas. Donc oui, on peut tenter d'y aller en retenant son souffle, mais rien ne... On peut pas en avoir, on ne peut pas être certain de... Vas-y, gros Momo. Moi j'y vais, genre en mode... Vas-y, ouais, gros Momo, vas-y. Moi je vais chercher le barbu. Ok. Je me sens pousser des ailes par Jasmine, du coup j'y vais. Donc c'est quoi ton plan ? Retenir ma respiration et en prendre au moins un. Ouais, d'accord. Et le tirer. Chope-belette sera plus facile. Donc tu t'approches et effectivement tu sens encore une fois, tu sens que ça te... ça t'attaque un peu, alors tu retiens ta respiration, donc tu commences à prendre les deux, à tirer, mais bon, tu es quand même obligé de faire un petit jet, tu n'arrives pas à retenir ta respiration assez longtemps pour les emmener en lieu sûr. Donc je vais te demander de faire également un jet de rester éveillé. J'ai mis un point de bile, mon dernier point de bile. Je vois ça. Donc tu fais un ou deux mètres et tu t'écroules avec eux sur le sol. Nous avons donc maintenant 3 personnes en train de dormir. Martel, tu aperçois une des portes du placard qui est un peu entrouverte en fait. Et tu te rappelles que c'est celle où il y avait l'espèce de gros champignon bizarre. Le gros champignon chelou. Le barbu arrive avec des gardoches. Qu'est-ce qui se passe ici encore ? Il y a un espèce d'effet somnifère qui plane dans la cuisine. Ça pourrait provenir d'un champignon chelou qui a poussé dans un placard. Pour l'instant, je vois pas d'autre explication, mais difficile d'en avoir le cœur net. Apparemment, retenir sa respiration, ça marche pas trop bien parce que gros Momo a tenté, mais ça a pas suffi. Donc là, pour l'instant, on a 3 personnes assommées. Et depuis combien de temps pour 2 d'entre eux, on sait pas. Et la cuisine inaccessible, quoi. Donc on pourrait quelqu'un pourrait tenter d'aller refermer le placard, mais je suis pas sûr que ça suffirait à assainir la pièce. Ok, alors tu proposes quoi ? Je propose qu'on aille essayer d'aller fermer le placard. Je veux bien me dévouer. Fermer le placard avec une saloperie derrière. Tu veux juste fermer le placard ? Ouais. Bah, si ça peut retenir quelques sports, en tout cas, ça peut empêcher la diffusion de nouveaux sports. En tout cas, je sais pas si ça suffira. Je sais pas si ça réglera le problème, mais... Je me tourne vers Pitoun et je lui demande ce que c'est un sport. Voilà, pardon, c'est tout. Je sais pas trop, c'est un truc de champignon, mais je sais pas trop ce que c'est. Des champignons, mais moi je croyais que c'était un truc physique. Bon, je comprends rien. Pitoud, toi tu sais que t'as encore mal à la main, et que du coup, cette, d'ailleurs, tu peux te cocher une case de blessure, et que cette douleur pourrait te permettre de tenir encore une ou deux minutes, peut-être ça pourrait te laisser le temps, par exemple, de fermer le placard, par exemple. Eh ben, je veux bien aller fermer le placard en me dépêchant. Je peux le faire. Je peux le faire. Je suis sûr que je peux le faire. Allez, go, on fonce. Il y a le barbu qui donne une tape dans l'épaule, martel, plus une ou deux personnes autour de lui. Allez, on va chercher les corps. Pitoun, tu fonces au placard. Et hop, il rentre dans la cuisine. Et bah, banco, hein, ça. Ben, je fais ça, et puis j'essaie de retenir aussi ma respiration un peu, autant que je peux. D'accord. Donc toi, tu arrives à fermer le placard. Martel, fais-moi un petit jet, s'il te plaît. Ouf. Bon, bah, je me presse aussi, du coup, j'imagine. Tu recours à un moyen extrême pour te tenir éveillé. Je recours à un moyen extrême pour me tenir éveillé. Bah écoute, ouais, non, à un moment je sens que je pars et je mets un grand coup de pied dans une table à côté, quoi. Ok, sinon tu peux, qu'est-ce que je peux te proposer, tu peux trouver par exemple du café ou tu vois un truc comme ça sur une table et te le sniffer, histoire de te faire un choc. J'ai jamais vu ça. Bah écoute, oui, si tu proposes cette solution, je veux bien signifier du café. Je suis pas sûr que ce soit recommandé, ne faites pas ça chez vous, mais... Un truc qui va vraiment défoncer le... Tu vois, un truc qui va défoncer les muqueuses, histoire de... Ouais, ça c'est clair. C'est clair. Ok, donc tu fais ça, et puis effectivement vous parvenez à tirer Gros Momo, Belette et Choco de la zone d'influence, bon, qui est difficile à dire, mais qui doit être effectivement réduite, voire annulée, grâce à la... fait que la porte soit fermée. Donc vous arrivez à réveiller tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'inquiète, Gros Momo, tout va bien, tout va bien. T'inquiète. Je les ai sauvés, hein. Oui, là je caresse le visage de Momo et je lui dis oui, c'est toi qui les as sauvés. Bien joué, Gros Momo. Je les ai sauvés. Ouais. J'ai mal à la tête. Du coup, Choco Belette vous explique qu'ils te voyant pas arriver, Martel, ils ont commencé à vouloir préparer à bouffer. Et Belette s'est dit, tiens, on peut peut-être récupérer le champignon, tu sais, celui que Martel voulait pas qu'on touche hier, mais maintenant c'est bon. Et après, il se souvient plus trop ce qui s'est passé. Ouais, très bien. Donc là, il y a le barbu qui entend ça, il dit, bon, faut régler l'affaire là. C'est quoi? Il y a une espèce de gros truc derrière, hein. faut l'exploser ce truc là. L'exploser? Ça risque pas de répandre encore plus le sport. Tu veux pas qu'on. À le laisser en vie va faire en sorte qu'il répande des sports, le tuer va faire en sorte qu'il répande plus rien, je pense. Oui, ouais, enfin bon. Le... T'as un meilleur plan, je sais pas. Ouais, le couper, le foutre dans un sac et. Mettez-les dans un sac en plastique, ouais. On est chez toi, Martel, hein. Ouais, le foutre dans un sac, quoi. Enfin, isoler, en fait. Dans un sac, ouais. Et le balancer dehors, quoi. Mais l'exploser, non, je suis pas sûr que c'est une excellente idée. Ok. J'ai faim. Bon, prenez vos armes. Et donc, il s'approche du placard. Il y a un gros combat, là. J'ai d'initiative. On a un sac, là, ou une marmite Ouais, prends un couteau, quoi, si tu veux couper. Je sais, moi, je... trouver un sac, oui, quelque chose comme ça, oui. Oui, bah, très bien. Tu as un couteau, quelque chose pour couper Oui, j'ai un gros couteau de cuisine. Gros Momo, tu fais quoi, toi? Moi, je me lève et... Est-ce que vous voulez que je vous aide? Je demande ça ou pas? Oui, très bien, ouais, pourquoi pas. Et Pitoun, est-ce que tu peux aller calmer les gars du réfectoire, enfin les gens dans le réfectoire qui sont pas contents, et leur dire qu'il y a un contre-temps, mais qu'il faudra encore patienter 5 minutes avant de faire la révolution. Ok, je... Merci. J'y vais. Bah attends, Pitoun, je viens avec toi. Ouais, je vais avec Pitoun. Le mec, il propose d'aider et juste après, il se casse. Très bien. Ouais, je me casse. Je vais avec Pitoun, moi, je vais... Jasmine, tu fais quoi? Il fait quoi, le barbu, là? Eh ben, lui, il s'apprête, il a une... Qu'est-ce qu'il a en main, lui, d'ailleurs? Un flingue, je sais pas ce qu'il a en main. Ah ouais? Non, il a pas... Il a une espèce de coutelas, un couteau assez gros. Hein. Est-ce que quelqu'un peut aller prévenir les gardoches à la porte que va falloir ouvrir presto et refermer tout aussi presto? Ok, je veux bien me rendre utile, parce que je me sens un peu inutile, hein. Je vais faire ça, oui. Oui, ok, Martel. Merci beaucoup. Donc, comment il s'appelle? Le barbu ouvre le... Ouvre le placard et donc effectivement tu vois à l'intérieur une espèce de champignon gorgé d'eau. Ce qui, par rapport à hier, ce que tu vois de plus, c'est qu'il y a des petites fleurs blanches qui sont apparues. Ah, putain. Dessus. Et effectivement, tout de suite, tu te sens agressé par une envie de dormir, quoi. Donc je vais pas te faire refaire un jet de rester éveillé pour l'instant. Je vais d'abord te faire un jet de. Ouais, j'ai le café qui est. d'agresser quelqu'un. J'agresse un champignon. Agresse le champignon. C'est du PBTA, hein. c'est des compétences assez vastes. Je trouve bien moqueur. Pardon. Est-ce que ma famille est toujours menacée? Oui. Oui, quelque part. Je... Oui, c'est pour regagner de la bile. Mm-hmm. C'est pour regagner de la bile. Merde, c'est ridicule comme j'ai là. Oh là là. Donc tu te foires totalement. Ah ouais, là c'est... Ah là. Bah, toi, tu prends 3 points de dégâts et le champignon t'agresse, je crois. Ouais, c'est chaud là. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est clair. Donc tu t'approches pour essayer de le couper. Là, en fait, tu prends trop de temps parce que tu essaies de bien le couper pour pas l'abîmer. Et tu finis par t'écraser en arrière, en fait. Tout simplement, tu t'endors, quoi. Je considère que du coup, tu t'endors en essayant de le couper. Je ne participe pas à la découpe. À toi, le marchand de sable, pose ton seau et même si nos parents vont péter un câble, on n'est pas prêt d'aller au lit. J'ai une de ces patates, comme un ressort mais en plus fort. Je pourrais avec une savate assommer un alligator. Connais-tu cette chanson qui réveille les petits garçons? Connais-tu cette mélodie qui réveille les petites filles? Connais-tu cette chanson qui réveille les petits garçons? Connais-tu cette mélodie qui réveille les petites filles? Connais-tu cette chanson qui réveille les petits garçons? Connais-tu cette mélodie qui réveille les petites filles? Cette chanson n'est pas une berceuse, mais son contraire en stéréo. Son petit nom, la remueuse, elle se coupe comme... Donc tu te réveilles un peu plus tard, hein, quelques minutes plus tard, et tu vois Barbu qui est en train de, avec l'aide d'un autre mec, en train de foutre des morceaux de champignons dans un sac. Hein. Tu sens qu'il est peut-être allé un peu moins précision chirurgicale. Finalement, j'avais peut-être tort. Martel, t'es censé être le chef du bordel, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je suis le chef des cuisines, je suis pas le chef des champignons chelous qui poussent dans mes placards. Donc, on est chez toi. J'avais demandé à ce qu'on touche pas, le champignon. De toute évidence, on ne m'a pas écouté. On touche pas? Tu crois pas que t'aurais pu me parler de ça? Un champignon bizarre qui endort les gens, qui gonfle dans ta cuisine? Je peux plus faire confiance. Jusqu'à hier, il n'endormait pas les gens. Tais-toi, Martel. Je peux plus faire confiance, c'est ça? Enfin, Martel, tu me prépares une expédition, tu pars demain. Demain matin, tu pars ici. Et je vais réfléchir à savoir s'il faut pas te remplacer chez les marmites. Et tu le vois, voilà, vraiment passablement en colère par ce qui vient de se passer. Et il file le sac au mec qui file vers l'entrée et lui se casse. Donc, Jasmine, tu vois le gardoche se ramener avec un sac, donc effectivement, les mecs ouvrent la porte, il sort de quelques pas, et il le balance sur le côté, quoi. Est-ce que je peux essayer de récupérer le sac? Ah, mais il balance le sac avec le champignon dedans. Bah, je sais pas si je récupère le champignon en secret, tu vois. Bah, il y a des gardoches à l'entrée de la porte, alors ça sera compliqué de juste sortir sous leur pif et de le récupérer, mais... T'inquiète, on va sortir, tu pourras le récupérer après. Attends, moi je vais tenter un jet de séduction. Ouais. Je fais des grands sourires à l'un des gardoches. Mmh. Edouard n'est pas là, non? Pas tout le temps, quoi. Pas chaque fois. Et j'essaie de convaincre un des gardes de finalement me rendre le sac, parce que je crois que le barbu en a besoin, en fait. Ok, vas-y, fais ton jet. Je dépense pas de bile. c'est donc une réussite assurée, je t'en prie. Mmh. Ah non, sur 7-8, la cible fait de son mieux. Ah non, 7, c'est ton jet, t'as fait 7? J'ai fait 7, non, c'est un échec, alors. C'est tout à fait un échec. Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'espèce de saloperie qui était dans la cuisine, là. Faut pas récupérer ça. Allez, barre-toi. Ah, pardon, j'ai mal compris, pardon. Je suis un peu déçu. Ok. Donc vous finissez par faire un semblant de repas, du coup, et à servir le réfectoire. Alors, Gros Momo et Pitoun, quand vous êtes arrivés au réfectoire, effectivement, c'était un peu... vous sentez que ça commençait à agacer quand même une bonne partie du réfectoire, hein, qui commençait vraiment à avoir la dalle. Là, ça fait quand même une bonne vingtaine de minutes qu'ils attendaient. Vous avez réussi un petit peu à calmer le jeu en disant que ça allait arriver, etc., qu'il y avait un problème. Et donc, la nourriture arrive peu après. Alors du coup, Martel va peut-être favoriser les choses qui ne se chauffent pas, qui ne se préparent pas. Ah bah là, ouais. Des flocons d'avoine, je sais pas, des trucs un peu, voilà, un peu comme ça. Et donc un repas frugal, j'allais dire, un repas frugal et servi frugal à la communauté. Donc vous avez quand même le temps de respirer un petit peu tous ensemble. Peut-être même mangez-vous ensemble. Ah, moi je m'assois avec Pitoun. Moi je m'assois avec Pitoun et Gros Momo et ma cour. On s'assoit avec eux. On vous dérange pas? Un peu. Ah bon, pourquoi? J'aime pas quand il y a trop de monde comme ça. Hein. Je fais d'un geste de la main, j'envoie ma cour à s'asseoir à une autre table. Bah, je vais juste rester moi, alors, si ça t'embête pas. Non, pas moi, ça va. Hein. En même temps, ta cour, il y avait juste Sandy et. Oui, bon bah ça s'appelle une cour, c'est pas grave, ils sont que deux. Je dis plutôt ça pour Gros Momo, quoi. Il y avait juste deux personnes de plus. Hein. Ah oui, pardon. C'est une technique. Pour dire qu'il n'y avait pas 12 personnes non plus. Quoi. Bientôt, il y aura 12 personnes. Je voulais qu'il y ait que Jasmine, moi. Bah, c'est parfait, c'est réussi. Il s'est passé quoi à la cuisine, du coup, Jasmine, tu sais ou pas? Et il y avait un champignon qui faisait du sport, donc... Du sport, mais qu'est-ce que tu racontes, Jasmine? Champignon, ça fait pas de sport. Ah si, Pitou, t'as entendu ça aussi? Un champignon qui faisait du sport, je sais pas lequel exactement, mais... Mais c'est ce que j'ai compris, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que c'était des sports, mais après, je sais pas ce que c'est. Jasmine, je t'aime bien, mais tu peux être parfois très bête. Oh là là. Oh là là là là. La moutarde qui m'entonnait. Point de bile, là, direct. Oui. Un champignon qui fait du sport, non mais t'entends ça, Pitoun? Bah oui, pardon, là je me mets à te crier un peu dessus. Oui, pardon, c'est ce que j'ai entendu, voilà. Toi, t'as pioncé dans la cuisine comme un naze. Ah, bah j'avais besoin de repos. Oui, c'est ça, oui. Oui, on t'a vu d'ailleurs hier avec les sirènes. Bon, bah si c'est comme ça, je retourne avec mes vrais amis. Au revoir. Toi, Martel, t'arrives à ce moment-là quand t'entends ça? T'as un petit peu ta famille qui se dispute, non? Techniquement, ma famille, c'est pas encore... Pour l'instant, c'est plutôt limité aux marmites, hein. Ils font pas encore vraiment, vraiment partie de ma famille. Je crois que... Non, mais c'est pas grave. N'aidez pas le MJ qui essaye de réunir les joueurs. Oui, tout à fait. Et Martel? Si, tout à fait. Et Martel, t'entends ça? Il y a un champignon qui fait du sport, apparemment, c'est ce que Jasmine elle a dit. Oui, ben c'est ce que j'ai entendu. C'est pas possible, ça. Il y a un champignon, ça fait pas de sport, c'est immobile. Oui, d'accord. Mais c'est un champignon magique, là, peut-être. C'est comme dans Mario, tu sais, Mario. C'est vrai qu'il avait l'air magique, parce qu'il m'a fait dormir. Oui, parce que... Oui. Bon, Brodite, vous êtes toujours partant pour l'expédition? Ouais. Parce que le barbu, il est vraiment en rogne, et il a vraiment une dent contre moi, et il veut que je parte demain. Quoi, il t'a dit quoi? Demain? Oh là là. Bah, ouais, demain matin, donc... T'as dit qu'on partait demain? C'est ça, je préfère... Je vous redemande si vous êtes toujours partant, parce que on partirait plus tôt que prévu. Et pourquoi il t'a dit quoi en particulier? Le champignon gate, il me met sur le dos, et c'est vrai qu'on aurait pu s'en occuper avant, mais... On le renomme le champi gate, s'il vous plaît. Voilà, le champi gate. C'est le titre de l'épisode, c'est bougé. Tout à fait. C'est vrai que c'était bizarre, d'ailleurs... Parlant de bizarre, la dernière fois, je suis allé demander de l'eau à la source, là où je sais plus où. Et le sourcier, là, il m'a fait un truc bizarre. Donc s'il veut qu'on dise tout ce qui se passe de bizarre, t'as qu'à lui dire ça aussi. Parce que ça me paraît bizarre qu'il est louche, ce type, il est louche. Ça marche. Tu pourras lui en parler si tu veux. Bon, en tout cas, désolé, hein, désolé pour la qualité du repas. Et j'espère que... C'est pas grave, Martel. On t'en veut pas. Je cherche du regard la chef des mains sales. Est-ce qu'elle est dans le réfectoire? Elle peut, oui, pourquoi pas. Très bien. Parce que, pour rappel... Ça s'appelle Sujet. Rappelez-vous, dans les épisodes précédents, je lui avais demandé de demander à ses mains sales si certaines seraient volontaires pour partir en expédition avec nous. Et pour moi, elle t'avait répondu qu'elle voulait bien que tu leur demandes. En fait, elle allait réunir pour que tu puisses venir leur demander de l'aide. Rappelez-vous. Voilà. Mais elle t'avait dit qu'elle-même n'obligerait pas quelqu'un à le faire. Eh bien, écoute... Non, bien sûr. Mais du coup, je la cherche du regard pour aller lui demander quand est-ce qu'on pourrait se réunir. Ouais, est-ce que je regarde est-ce que je la vois chercher quelqu'un ou... Probablement, oui. Je ne vais pas répondre à ce genre de questions. C'est à vous de... Enfin, voilà. Si tu décides que tu vois... Voilà. Mais oui, je me cache pas. Oui. Tu cherches quelqu'un, là, Martel? Je cherche la chef des mains sales. Suzette, elle a un nom. Suzette, merci, je n'entendais pas. Je cherche Suzette, parce que j'aimerais bien qu'on emmène une main sale avec nous en expédition. Ça pourrait nous servir, nous être utile. Tout à l'heure, j'ai vu le barbu, il a dit qu'il allait faire une assemblée. On pourra en parler, je pense, à ce moment-là. Ouais, mais il y aura peut-être d'autres choses à discuter. J'aimerais bien échanger avec les mains sales en étant plus tranquille qu'avec toute l'enclave. En tout cas, tu peux facilement trouver Suzette, hein, y a pas de souci. Eh ben, écoute, j'en profite pour demander rapidement à Suzette si elle sait quand est-ce qu'on pourra se réunir. Ouais, je sais qu'il y a le barbu qui veut faire une assemblée juste après le repas, donc je te propose de faire ça après. Bon, ben voilà. Juste après l'assemblée. Ça marche, merci. Moi, je vais voir Sandy, ma copine Sandy de ma cour. Ouais. Je lui annonce que je vais devoir partir. Je suis d'un ton solennel et je lui demande si elle peut m'écrire une lettre d'amour pour Edouard. dit partir, mais partir où ça? Tu peux pas partir. Il faut rester ici. C'est dangereux si tu pars. Oui, mais je crois que pour être une vraie princesse, il faut que je montre que je suis courageuse, tu vois. Et là, en plus, il y a pas de problème. Je vais partir avec Gros Momo et les autres costauds, donc je serai à l'abri. T'inquiète pas. Mais tu vas revenir? Mais évidemment, je vais revenir. Évidemment. Mais je pense que c'est bien pour que je grandisse, tu vois. En plus, je pense que si je fais ça, je serai respecté ensuite. J'ai l'impression que certaines personnes ne me respectent pas. C'est quand même fou, hein. Je dois les noter dans les personnes qu'on déteste ou pas? Bah non, la liste serait trop longue, mais... Non, je voudrais que tu écrives une belle lettre d'amour et je signerai, tu vois, pour Edouard, pour lui dire que je suis courageuse, que je vais me montrer à la hauteur de son amour. D'accord. Tu vois, elle hoche la tête sans parler, en fait, tu la sens au bord des larmes, en fait, à l'annonce de ton départ. Ah, mais non, Sandy, tu veux partir avec nous? Elle écarquille de grands yeux et elle secoue la tête. Elle est triste, elle est pas suicidaire. On sait pas. Non, mais je vais revenir. En attendant, Sandy, c'est toi qui sera. Tu vois, tu peux utiliser mon maquillage, tout ça, quoi. Je pense que c'est important pour moi que je fasse cette mission demain. Ok. Ça va aller? Elle hoche la tête. Je vais chercher des livres pour écrire un poème. C'est très gentil, Sandy. Nous avons fugué entre deux paragraphes. Nous avons largué les leçons d'orthographe. Tout par-dessus bord, les dictées, les problèmes. On est tombé d'accord pour se dire je t'aime. Et j'annonce aussi à mon autre, à Jules. Oui. Je vais le voir et je lui dis bon, je suis désolé, que je sais que ta sœur est fâchée contre moi, mais là je vais aller lui ramener un super cadeau. Je vais sortir et lui ramener un cadeau. Tant mieux, j'aime pas que vous soyez disputé comme ça. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle aime, ta sœur? Qu'est-ce qu'elle aimerait bien comme cadeau, tu crois? Enfin, j'ai des petites idées, mais peut-être toi, tu peux me dire. Tu vois, j'aurais pas me tromper. Il réfléchit et il te dit, tu sais, elle a toujours aimé le rock'n'roll, donc je sais pas, un truc en rapport avec ça. Et puis effectivement, tu te dis, elle se bat toujours avec sa baguette de batteur. Ah, c'est une bonne idée, oui. Ok, un magasin de musique, alors peut-être, faut que je trouve. Ça existe, ça? Bah, peut-être, ou des fringues de ce style-là, ou je sais pas, des magazines. Ah oui, oui, oui. Ah oui, un t-shirt ADCD, je crois. Je sais pas trop. Je peux trouver un truc comme ça, c'est ça? Je sais pas trop, moi, tu sais, c'est pas trop mon truc. Ah oui, moi non plus. Bon, mais je vais trouver. Voilà, en tout cas, tu lui dis bien que je suis parti lui chercher un cadeau. D'accord. Et après, je vais essayer de faire des pompes dans le dortoir. Rapidement, ça va être l'assemblée qui a été annoncée. Alors après, tout le monde est obligé d'y aller. Hein, mais, Ah oui, ah, si, je participe. Les chefs sont attendus. Mais, bah, je me considère comme une chef. Pitoun, tu veux faire quelque chose avant l'assemblée? Non, j'essaie de me convaincre que je vais y arriver. Alors, j'essaie de récupérer, de prendre tout ce qui peut me donner du courage, en fait. Donc c'est quoi? C'est des pensées? Ouais, c'est plutôt des pensées positives. Positive attitude. Très bien. Ok. Non, mais voilà, rester un peu dans mes habitudes pour m'appuyer sur cette partie-là, pour justement demain ne pas les suivre. En fait. Ok. Je sais pas comment trouver qu'expliquer, mais enfin voilà, je m'assois aujourd'hui sur vraiment sur la partie habituelle, et puis parce que je sais que demain ça sera pas pareil. Mmh, d'accord. Gros Momo, toi, tu vois quelque chose de rapide à faire avant l'assemblée? Je voulais parler à Martel sur le sourcil, vraiment. Ouais, non, c'est pas Martel. Je voulais toucher un mot au barbu sur le sourcil, puisque j'ai entendu dire que les choses anormales, fallait les notifier. Je pense que c'est le bon moment pour notifier les... Plutôt à l'Assemblée ou avant? Là, je te demande par rapport à... Enfin, c'est quelque chose à faire avant l'Assemblée. Ah oui, d'accord. Bah, je voulais juste lui toucher deux mots, quoi. Enfin, juste rapidement, genre... Oui, donc, c'est ma question. Tu veux pas le faire pendant l'Assemblée, tu veux le faire avant l'Assemblée? Non, je veux le faire avant, que ça soit discret, au moins. D'accord. Bon, bah, donc, tu te dépêches de manger, tu vas le voir. Donc, il est à la salle du trône. Oui, Gros Momo. En parlant du champignon... Tu voulais savoir s'il y avait d'autres choses qui sont passées, enfin je pense. Et il y a le sourcier qui me paraît louche depuis un moment. Quand je lui ai demandé de l'eau, il s'est caché pour le faire. Donc personnellement, moi je trouve ça super bizarre. Est-ce que tu sais comment il récupère l'eau du sourcier, de la source? Alors pour le coup, c'est pas inhabituel, hein, ce qu'il a fait. Tu peux trouver ça bizarre, mais c'est pas inhabituel. Donc il dit, bah comment il récupère l'eau? Non, j'en sais rien, il y a des robinets. Après, c'est lui qui gère ça avec comment il s'appelle, Liam, hein, son apprenti, là. Donc c'était effectivement le gamin qui était avec toi. Alors Liam, il l'a mis en dehors de de la source. Hein. Liam était là et il ne faisait rien, il était avec moi. Donc, si c'est son apprenti, il lui apprend rien du tout. Alors, il t'écoute pendant que tu essayes de le convaincre. Et du coup, bah, vu que tu essayes de le convaincre, je vais te demander de faire un jet de convaincre. Ah merde. 6, bah, on lance un autre dé. 6 et 3, 9. Il t'écoute. Il pose 2-3 questions, genre, donc t'as demandé de l'eau, il est pas parti y chercher. Alors effectivement, le sourcil a toujours voulu garder un peu de mystère sur ce qu'il fait. Mais par contre, si tu me dis qu'il a fait sortir Liam, c'est bizarre. Et puis du coup, tu peux aussi lui dire, rappelle-toi que quand t'es arrivé au début, il y avait que Liam et que Liam lui-même n'a pas réussi à te fournir de l'eau. Donc il t'écoute et il dit, ok, merci de m'avoir dit ça, gros moment. Tu vois, c'est ce genre d'information, c'est important de me les remonter. C'est comme ça qu'on peut agir et éviter les problèmes. Donc il te donne une petite tête dans le dos, enfin dans l'épaule, pardon. Tu vois, l'air de dire, bah, bien joué quoi. Ça me va. Je t'en prie, Barbu, toujours là. Et donc, bah, tu te retournes pour voir tout le monde qui commence à rentrer dans la salle du trône. Beaucoup de monde en tout cas. Et donc, bah, il s'installe sur son tricératops, hein, il chevauche les cornes sur la tête. Et donc, tout le monde commence à s'installer. Et donc, il commence, il dit, voilà, je pense que l'information s'est propagée, vous savez tous que Tom est mort cette nuit. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a manifestement été assassiné. Ils ont retrouvé une blessure assez importante au niveau du cou et il s'est vidé de son sang dans son lit. Donc là, il y a une certaine clameur. Tous les enfants n'étaient pas au courant. Ce que nous ne savons pas, c'est s'il s'agit d'une sirène qui est infiltrée ou d'autre chose. Toujours est-il qu'il faut réagir. Nous avons plusieurs choses à voir. À la fois, il nous faut réagir par rapport à la mort de Tom. Tom était le chef des ampoules et il faut donc décider d'un nouveau chef. Donc là, vous voyez les deux lieutenants qui s'avancent un peu et qui se toisent d'un air assez revêche. Donc Gabin d'un côté, celui qui était le meneur, enfin qui est le meneur de la faction prudente, et puis Pétard de l'autre côté, le meneur de la faction des risques tout. De plus, il semble manifeste que si c'est arrivé une fois, cela peut arriver à nouveau. Je vous demanderai donc à tous de faire preuve de prudence et de vous déplacer à 2 ou 3 personnes minimum. D'essayer d'éviter de vous retrouver isolé. Ce que je vais également demander, c'est d'envisager d'aider les gardoches. Et donc là, il fait signe à Freddy qui s'avance. Bouh. Je fais ça tout bas. Freddy dit oui, déjà avec la recrudescence de la pluie, il a fallu qu'on multiplie les gardes. Mais là, il va falloir qu'on fasse peut-être des rondes à l'intérieur de l'enclave. Je demande donc à ceux qui en sont capables et qu'ils veulent d'essayer de rejoindre les gardoches pour qu'on puisse contrer cette nouvelle menace. Et donc, il commence à dire, voilà, je vais recruter à telle heure, machin, présentez-vous, etc. De donner quelques informations pour s'inscrire, quoi, en gros. Le barbu, du coup, après, reprend la parole. Il dit, on m'a également mentionné que nous avions des problèmes pour nous approvisionner en eau. Donc là, il fait venir le sourcier, qui est Liam. Et donc, Liam finit par effectivement avouer qu'il ne sait pas comment donner de l'eau, quoi. Donc le sourcier dit oui, mais c'est normal, il vient de commencer à apprendre. Et pour l'instant, il sait pas faire, mais c'est normal, je vais lui apprendre. Donc le barbu s'impatiente assez vite. Et il somme le sourcier de lui apprendre très rapidement comment faire de l'eau, comment sortir de l'eau. Et il lui demande de prendre un autre apprenti également. Et il attend des résultats. Enfin, il lui dit qu'en gros, demain, il vérifiera avec Liam et son nouvel apprenti pour être sûr qu'ils savent sortir de l'eau tout seul. Donc, vous voyez le sourcier qui se renfrogne pas mal, mais qui accepte. Donc, ensuite, le barbu dit, avant d'élire un nouveau chef pour les ampoules, je vais écouter chacun des chefs pour savoir s'ils ont quelque chose à dire. Donc là, Freddy n'a rien de plus à dire de son côté. Suzette est appelée, donc elle dit que effectivement avec la recrudescence d'eau, ils ont plus de travail pour s'assurer de l'étanchéité de l'enclave. Donc au niveau des entrées, mais pas seulement. Donc elle indique à tout le monde de bien penser à avoir les yeux partout et que si vous voyez de l'humidité quelque part ou des écoulements d'eau, quoi que ce soit, qu'il faut pas hésiter à lui en parler pour qu'elle puisse envoyer quelqu'un, qu'elle puisse intervenir pour endiguer le problème, quoi. Et donc, mais bon, elle dit que pour l'instant tout est sous contrôle et que voilà, il n'y a pas de souci tant qu'on maintient les entrées en sécurité, la porte qui a été condamnée et que chacun fait attention, il n'y a pas de souci. Donc suite à ça, il y a les barbiers qui s'avancent. Donc il y a les trois, Noah, Zoé et Vivien. Les trois barbiers, donc ce sont eux qui suivent l'âge d'un peu de tout le monde. Donc Bon, ils disent rien de spécial. En gros, ils vont continuer à passer voir tout le monde pour être sûr que les données soient bonnes sur les âges de tout le monde. Donc voilà, rien de précis. Martel, tu es appelé pour parler. Oui. Bah ça tombe bien, parce que je voulais vous proposer une motion qui n'était pas, je crois, à l'ordre du jour, vu que je pars demain matin en expédition avec un petit groupe de courageux pour aller tirer au clair le mystère du supermarché et peut-être ramener des provisions. Je pense qu'il faut qu'on élise un nouveau chef des cuisines, et je vous propose, un nouveau chef des marmites, parce que je pourrais plus remplir cette fonction. Donc je vous propose, en tout cas moi, mon lieutenant Choco, qui connaît les cuisines comme sa poche et qui a su faire ses preuves depuis le temps. Alors But te regarde, tu dis, tu pars en expédition, tu pars pas en vacances une semaine à Hawaï, il n'y a pas de raison qu'on te remplace. Éventuellement, Choco peut évidemment tenir le fort pendant que tu n'es pas là, mais je vois pas de raison pour l'instant de te remplacer définitivement. Moi, je parlais pas de remplacement définitif, mais effectivement. Ah d'accord, ok. C'est pas clair. Ok, oh, très bien. Choco, évidemment, étant ton lieutenant, il n'y a pas de souci pour tenir la cuisine. Autre chose ? Non. Ok. Belle est appelée ensuite. Donc elle s'avance. Elle explique que du coup, effectivement, ils ont mis en place une infirmerie. Qu'ils n'ont pas grand chose comme fourniture par rapport à ça. Donc ils ont dû utiliser des vêtements pour faire des bandages. Voilà, c'était un peu le système D, on va dire. Du coup, elle regarde un peu dans ta direction ou dans la direction des ampoules en disant voilà, les prochaines expéditions, si vous pouviez, si vous tombez sur du matériel qui puisse nous intéresser à l'infirmerie, ce serait bien de penser d'y penser. Voilà. Ensuite, elle dit qu'elle continue à de faire des cours pour les enfants. Ce serait bien que tout le monde participe un petit peu. Il y en a qui ont tendance à ne pas venir ou à jamais venir. Elle regarde Gros Momo directement. Et voilà, c'est important pour garder le contact tous ensemble et puis ne pas oublier qu'on peut apprendre des choses et que c'est toujours bon. Et donc elle reprend sa place. Et donc enfin, Tom demande à Gabin et à Pétard de s'avancer. Donc il est maintenant temps d'élire un nouveau chef pour les ampoules. Donc d'ailleurs, là, c'est le MJ qui parle. On n'en a pas parlé à la création ni depuis. Comment vous voyez le fait qu'un nouveau chef doive être nommé ? Est-ce que c'est déjà arrivé et comment ça se passe ? Est-ce que c'est une élection ? Est-ce que c'est une élection juste par les chefs ? Est-ce que c'est une élection à main levée de tout le monde ? Je sais pas, comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est le barbu qui décide tout seul ? Je sais pas. Moi, je vois bien une élection à main levée, comme les délégués. Ouais. Mais les délégués, c'est une élection à main levée du groupe nommé. Oui, oui. Est-ce qu'on avait décidé comment étaient nommés les chefs de toutes les sections, d'ailleurs ? A priori, c'est le plus vieux. Ah non, justement. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. A priori, quoi ? Le plus vieux. C'est le plus vieux ? Alors, le chef de toutes les sections, c'est le barbu, et donc oui, lui, c'est le plus vieux. Mais après, dans chaque section, c'est pas forcément le plus vieux. Non. Ok. Bah, on peut dire que oui. Enfin... Suzette est assez jeune, d'ailleurs. Elle a une douzaine d'années, et elle a clairement des gens sous ses ordres qui sont bien plus âgés qu'elle. Enfin, bien plus âgés qu'elle. Bah, effectivement, main levée de toute l'enclave, pourquoi pas. Ouais. Ou le barbu qui décide, quoi. Sur les candidats entre Gabin et Pétard, c'est ça ? Non, pas forcément, non. Ça peut être ceux qui se portent volontaires, quoi. Enfin, ceux qui... Vas-y, Gros Momo, moi je donne un coup de coude à Gros Momo. Oui. Mais je te soutiens, Gros Momo, vas-y. Bah, ça sert à rien, je pars en expédition demain. Donc, justement, qui mieux qu'une ampoule pour partir en expédition. Donc du coup, le barbu... demande à ceux, donc à Gabin et à Pétard de s'avancer. Souhaitez-vous postuler pour devenir chef des ampoules ? Donc effectivement, les deux se lancent un regard bravache et hochent la tête. Vas-y, Gros Momo, vas-y ! Ensuite, ils se tournent vers le reste de la troupe, des enfants, de l'enclave. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait postuler Moi, j'y vais. Oui ! Je l'applaudis seul. Gros Momo, un sourire en te voyant t'avancer. Très bien, prends place. Donc là, maintenant, essayez de convaincre vos électeurs, dit le barbu avec un geste de la main. Donc Gabin dit, commence à prendre la parole, il dit voilà, je pense qu'il est important que le chef de faction soit quelqu'un de prudent et pas une tête brûlée qui puisse mettre la vie de tout le monde en danger. Nous avons plus que jamais besoin de réussir nos expéditions et c'est grâce... C'est grâce à ma direction que ça pourra se faire, voilà, ce genre de choses. Pétard, lui, donc à l'inverse, dit à peu près le contraire, en fait. Hein, dit que lui, c'est en prenant des risques qu'on aura des résultats et qu'il faut... justement, on est en situation compliquée en ce moment et qu'il ne faut pas juste... se reposer sur ses lauriers, il faut un peu se sortir les doigts et aller au-devant du danger pour récupérer ce qu'il faut pour manger, pour l'infirmerie, pour tout ça, quoi. Et donc ensuite, l'audience se tourne vers Gros Momo. Et moi, globalement, j'essaie de faire un mix des deux en disant que je vais prendre des risques pour l'assemblée en faisant l'expédition, mais que je suis prêt à faire une nouvelle organisation pour que les lieux au sein de l'enclave soient plus sûrs. Car on a une preuve d'échec de la part des... Attention, l'enclave, la défense de l'enclave n'est pas la prérogative des ampoules. Mais je dis qu'en gros, je participerai, enfin, que c'est bien que les ampoules et les gardoches participent ensemble sur une nouvelle organisation de l'enclave. Mmh. Ou des réformes. Ils proposent des réformes. C'est culotté. Très bien. Et bien donc, tu vas me faire maintenant un jet de convaincre. Le jet le plus important. Vas-y. Pas de bile, donc ça sera... Oui! C'est un 8. Tu es écouté et écoute manifestement ta voix porte, puisque c'est assez serré, mais tu es élu. Yes! Bravo! Ouais! Yes! Merci! Merci beaucoup! Je ferai tout pour l'enclave. Oh, c'est un peu tard, mais j'aurais pu penser à demander à tes camarades s'ils avaient quelque chose à dire pour ou contre ton élection. Donc, t'as. Gabin qui... Enfin, non, t'as Pétard d'abord qui se rapproche de toi. T'as les dents longues, Gros Momo. Je pensais pas que tu me trahirais comme ça. Surtout vu ce qui s'est passé hier. Tu me menaces ? Mais bon, non, je pense que c'est toi qui menaces toute l'enclave. Il se barre. Gabin s'approche aussi. Bon, écoute, j'espère que tu sauras tenir tes promesses. Je pense qu'effectivement, il fallait pas que de toute façon Pétard soit le chef de cette faction. Gabin, ça te dirait de devenir un de mes conseillers, parce que je sais que je suis un risque tout et la part de prudent, si t'es un de mes conseillers, on pourra faire de grandes choses. Il acquiesce, ok. Super. Je te refais pas faire un jet de convaincre, hein. On va dire que ça l'incluait aussi. Ok, donc ça c'est fait. Du coup, en gros, le barbu demande ensuite si quelqu'un a quelque chose à dire de particulier. N'importe qui du coup peut parler maintenant que les chefs ont parlé. Moi je lève la main. Oui. Jasmine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Jasmine, princesse Jasmine. Je suis un peu stressé, évidemment, quand je parle devant tout le monde. Oui, je tenais à dire que je pense qu'on n'est pas en sécurité et que Monsieur le Barbu, hein, je veux pas vous offenser, mais c'est de votre faute un peu. Donc, je voudrais qu'on remette en question le système, parce que je comprends pas pourquoi c'est vous le chef, en fait. Et là, je me sens toute rouge, hein. Je suis toute rouge, je suis très mal à l'aise, mais je prends mon courage à deux mains. Et je regarde Edouard, je cherche Edouard du regard. Edouard, tu le vois avec des yeux assez écarquillés. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu reprends à moi et au système, alors? Je pense qu'on est. Voilà, que c'est un peu trop mal organisé, hein, comme disait Gros Momo. Hein. D'ailleurs, j'ai voté pour lui, d'ailleurs. Moi, je baisse les yeux. Hein. Et je pense, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, et j'aime beaucoup la monarchie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la monarchie, je pense qu'il faudrait un nouveau système totalement, revoir tout, et qu'une princesse pourrait s'occuper, par exemple, de liberté. Bon, princesse ou un prince, hein, bien sûr. Voilà. Et ce gros tricératops, il me fait un peu peur, et je pense qu'il faudrait changer aussi. Ouais. Et je pars en expédition, et je voudrais préciser que, à tout le monde d'ailleurs, que je pars en expédition. Donc voilà. Et si vous m'aimez bien, je pense que vous pouvez peut-être m'accompagner en expédition. Voilà. Alors il y a plusieurs choses là. T'essayes de. J'essaye de foutre la merde. Convaincre les gens que le barbu n'est pas le bon. J'essaye de remettre en question le barbu, en gros. Et en plus, t'essayes aussi d'attirer des gens pour partir avec toi en expédition. Oui, c'est surtout oui. Oui, je vois. J'essaye de galvaniser la foule. Je verrais bien, j'ai de convaincre pour la première partie, hein, j'ai de séduire pour la deuxième, mais, ou convaincre aussi. Tu me dis, ouais, comme tu veux. Faisons un jet de convaincre déjà. J'ai peur de l'humiliation publique quand même. J'ai de la bile, alors j'en dépense 3. Ouf. Je n'ai pas confiance dans les jets de dés. Le gros jet. Je fais 7, merde. Putain, c'est horrible ce jeu, ok. Donc tu as un silence assez lourd qui s'installe. Le barbu lui-même, on ne croit pas trop ses oreilles. Il se retourne vers l'Assemblée. L'Assemblée souhaite-t-elle que nous revoyons le système tel qu'il est conçu jusqu'à maintenant? Donc il fait un vote. Alors t'as deux mains et demie qui se lèvent. Il y a un vote quand même. Ok. Ça peut être Sandy, Jules qui vote à demi, puis toi, quoi, à peu près. Oui, voilà. Très bien. Edouard vote pas, non? Je regarde s'il vote. Apparemment, il est parti sur un shift et il est parti sur sa. Il a dû vite se rendre compte qu'on l'attendait à une porte. D'accord. Ok, je me fais humilier, on est d'accord. Oui, un peu, oui. Après, il met pas le doigt dessus, le barbu. Je pense qu'il est assez. Un peu. Sonné de l'outrecuidance. Il a fait une épreuve, de la bêtise peut-être. Et qui. Enfin, du coup, il te gifle pas pour ça, en tout cas. De la bêtise. Heureusement, d'accord. J'en fais mal pour qu'on me mette en tête. Conjonction pronominale circonstancielle épithète. Sachant qu'une baignoire se remplit en 800 secondes et demie. Qu'il faut 120,3 cerises pour un bon clafoutis. Que le train A croise le train B à 6h10 en gare de Rennes. En déduire la pointure du coiffeur du fils du capitaine. Maintenant j'essaye de séduire des gens pour nous accompagner en expédition. D'accord, et eh ben écoute, vas-y, fin G. On va voir ce que ça donne. Je mets 2 points. Alors les 3 premiers tu les as pas... Encore. Non, je les ai pas effacés. Mais ça rate encore. C'est super, hein. Il est bien ce jeu. Moi, bon, j'y croyais pas trop à ça, j'avoue. Donc là, ça rate, effectivement. Tu sens que tu foires un peu ta séduction. Là, t'as pas mal de rire, du coup. Là, tu sens, voilà, ça commence à rigoler. T'entends, elle veut devenir la chef d'un nouveau clan, des roulures, ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe. C'est pas mal, ça. Oui. Ça ne fait pas mouche. Tu n'arrives pas à rameuter des gens pour venir à cette expédition. Oh là là, je suis une princesse pourrie. Peut-être même vas-tu compliquer la vie de Martel qui va vouloir recruter des gens derrière. Ah merde. Mais non. Donc l'assemblée se termine là-dessus, si vous avez rien à rajouter. Pitoun, Martel, gros Momo, rien à dire. Non. Bah non. Donc voilà, l'assemblée se termine comme ça. Bah je suis déçu. Je suis content. J'imagine. La révolution, c'est pas pour aujourd'hui. Ils ont qu'à manger de la brioche, putain. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ouais, c'est bien ça le problème. Il n'y a rien, il y a des champignons qui font du sport, quoi, c'est n'importe quoi. Alors toi, t'as bien un reste de petite brioche, un sachet que t'as gardé de côté sous ton oreiller, tu vois, mais bon, tu penses que les autres, ils en ont plus. D'accord. Ok, moi je vais essayer. Bah voilà, donc l'assemblée se termine. Donc là, en gros, la matinée est pratiquement passée. Il y a Suzette qui te fait signe, Martel, que effectivement elle va démarrer une réunion de son côté. Bah, je la rejoins. Donc ça va se passer dans la classe. Est-ce que tu y vas toute seule ? Oui. Du coup, tu peux. Pitoun aussi, d'ailleurs, tous les deux, vous pouvez décocher une case de blessure. Puisqu'il suffit de quelques heures pour la première case. Bon, vous n'aviez plus qu'une seule case, hein, on est d'accord ? Oui. Donc vous êtes indemne. Donc Suzette rameute effectivement les mains sales dans la classe. Je dis voilà, comme je vous en ai parlé rapidement hier, Martel va monter une expédition pour demain et elle souhaite demander si parmi vous se trouvaient des personnes qui souhaitaient l'accompagner dans cette expédition. Moi-même, je ne vous force à rien. Je pense que ça peut peut-être effectivement aider. Maintenant, ça ne sera que sur base de volontariat. Donc voilà, tu as les mains sales devant toi, ma chère Martel. Ben, merci Suzette, merci à vous d'être là aujourd'hui. Simplement, comme Suzette l'a expliqué, cette expédition, je suis persuadé que son succès peut clairement dépendre de vos compétences, la compétence de l'un d'entre vous qui pourrait nous accompagner. Donc je vous demande aujourd'hui s'il y a un volontaire, au moins, qui voudrait nous accompagner. Et pourquoi nous ? En quoi t'aurais besoin de nos compétences ? Bah, c'est vous les techos, quoi, c'est vous les ingénieurs je connais personne d'autre de plus habile de ses mains que vous dans cette enclave et on peut être en gros ils veulent savoir en quoi ces compétences là seront nécessaires pour une expédition. Pour eux, l'expédition c'est aller dans les magasins, ouvrir les portes, ramasser et se casser, quoi, tu vois. Bah justement, s'il faut ouvrir une porte, s'il faut décoincer quelque chose. Bah ouvrir une porte, normalement il suffit de tourner la poignée. C'est pour ça que je te demande de justifier un peu plus. Ça peut être plus compliqué que ça, justement. Surtout par rapport au supermarché. Ça, t'as des informations là-dessus, si tu te souviens. Non, donc. Je me souviens qu'il y a un supermarché. Il y a un supermarché, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Et ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un petit passage qui permettrait d'y rentrer pour déverrouiller les portes de l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a Pitoun qui a été chargé de te suivre. Ok, je me souvenais pas de ça, de ce passage-là. Mais... C'était clair pour les autres, ou enfin vous en souvenez ? C'est bien noté. Oui, moi c'est clair, moi je m'en rappelle. Ouais. Ah ouais, ok. Bah il n'empêche que, en l'occurrence... Je suis pas en train d'invalider... Non, bien sûr. C'est clair, hein, juste que tu... Enfin voilà, que tu leur expliques en gros, voilà, qu'effectivement t'as peut-être des trucs qui sont un peu... Bah simplement, je suis pas devin, donc je peux pas vous dire ce qu'il va se retrouver sur notre route, mais simplement il y a des obstacles... qui vont peut-être relever de compétences techniques que vous êtes les seuls à posséder, et c'est pour ça que ça serait, je pense, un énorme avantage pour notre expédition si l'un d'entre vous nous accompagne. Ok, donc tu parles pas spécifiquement du supermarché, de ce qui s'est écroulé, etc. Bah, je peux parler des portes verrouillées, si, je peux parler des débris, mais encore une fois, je... En gros, je veux que tu m'expliques ce qui pourrait donner un avantage à ton jet, en fait. Tu vois, si tu donnes des bons arguments, tu vas avoir des avantages. Si tu donnes pas de bons arguments, tu n'auras pas d'avantage. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des portes verrouillées, qu'on a besoin de quelqu'un qui se déverrouille une porte, dire que potentiellement on aura... Je sais pas, est-ce que tu sais qu'il y a des portes, tu sors qu'il y a des portes verrouillées ? Mais si jamais. Justement, si pour le succès d'une expédition dépend de notre niveau de préparation. Autant être préparé à tous les obstacles. D'accord. Eh ben, fais ton jet de convaincre, du coup. Est-ce qu'il me reste de la bile ? Il me reste un de bile. Eh bien, c'est un succès. Donc, tu as le choix entre Damien, qui est un grand costaud, un peu benêt, mais voilà, plutôt sympa et qui fait le taf. Toujours des taches de suie sur lui. Donc, c'est le mec costaud. Il a une clé anglaise, clé à molette. Il peut se... Voilà. Se débrouiller sur ce genre de choses. Et il y a également Steph, qui est un peu plus jeune, qui a 14 ans, qui, bon, elle, c'est une petite futée, elle a des tournevis, et puis elle se bat toujours avec un crayon sur l'oreille. Et ben, je fais un signe de tête à Steph, et enfin, je remercie Damien de sa proposition, mais je fais signe à Steph de nous rejoindre, du coup. Ok, et donc elle dit, bon, bah écoute, ok, ouais, pas de soucis, je vous suivrai en espérant qu'on n'ait pas trop d'obstacles à surmonter. Bah, on l'espère, effectivement. Ouais. Donc là, il y a Suzette qui tape dans ses mains, et fait, bon, voilà, vous savez tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, on continue les visites de contrôle, et puis, machin, tu t'occupes du... Hop, voilà, commence à donner quelques indications pour les tâches quotidiennes de nos amis les mains sales. Et donc, bah, vous de me dire comment vous allez remplir cette deuxième partie de journée, cette deuxième moitié de journée. Pitoun, qu'est-ce que tu fais ? Si à classe, je vais en classe. Ouais. Et puis le reste de l'après-midi, je passe à jouer avec d'autres enfants pour faire baisser un peu la pression. Mmh. Ouais, ok, pas de souci. Peut-être que tu... Faire baisser la pression. Alors toi, t'as combien de billes, là, rappelle-moi ? J'en ai 4. 4 ? Ah, je croyais que t'en avais plus que ça. Après, je rappelle, vous pouvez vous confier. Hein, si vous vous confiez à quelqu'un, vous pouvez défausser de la bile aussi, si vous pensez que vous en avez un peu trop. Gros Momo, qu'est-ce que tu fais de l'après-midi ? Moi, je m'occupe de l'après-midi pour connaître un peu la procédure et qu'est-ce que je dois faire en tant que chef des ampoules auprès du barbu, c'est-à-dire quelles sont mes responsabilités, s'il y a des réunions à faire. Ou... Alors, effectivement, il y a des points entre chefs, alors soit avec tous les chefs et le barbu, qui se font régulièrement tous les jours, soit des points entre un chef et le barbu, selon. Après, lui te dit qu'il est toujours dispo, donc les points entre tous les chefs sont à heure fixe, alors que tu peux demander à le voir seul à seul, un peu n'importe comment, enfin quand il est dispo, quoi, hein, évidemment. Et ensuite de ça, bah, on s'attend à ce que tu te renseignes sur tous les besoins de la communauté et que les expéditions soient dirigé vers le fait de résoudre ses besoins. Et donc après, bah, à toi de voir la fréquence que tu veux faire pour les expéditions, sachant qu'il faut pas trop... À la fois, il faut pas trop en faire pour pas mettre les mecs sur les genoux, et voilà. Et puis à la fois, pas trop peu non plus pour fournir à l'enclave suffisamment de ressources, quoi. D'accord, bah, avec ces informations, pendant le restant de la journée qui me reste, j'essaie de faire le tour un peu de tous les chefs pour savoir ce qu'ils ont besoin pour l'exposition de demain. Essentiellement, je sais que c'est de la nourriture, mais s'il y a des... D'accord, ok, non, mais pas de souci. On va gérer ça après. Jasmine, qu'est-ce que tu fais de ton après-midi ? Alors en fait, j'ai gagné 5 points, j'ai 5 points d'expérience là, suite à mon revers cuisant. Oui, alors, d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais j'en profite juste pour rappeler aux autres qu'effectivement, n'oubliez pas que vous pouvez gagner de l'expérience chaque fois que vous subissez des revers cuisants ou quand vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose sur vous-même, sur les autres, sur le monde, etc. Donc c'est assez vague, c'est assez libre. Ne vous retenez pas de cocher ces XP. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors je veux bien que vous me disiez quand vous le faites quand même. Ah bah je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait quand je me suis endormi comme une merde. J'ai fait aussi moi. J'ai pris un niveau. Ok. Non mais bon. Voilà, globalement il n'y a pas de souci. Je vais pas vous. Enfin, le but c'est pas de vous bloquer dans votre progression, aucun souci. Donc vas-y, excuse-moi. Non, je te disais, en fait, du coup, comme j'ai 5 points, j'aurais prendre un apprentissage qui s'appelle « Je ne suis pas qu'une princesse ». Tout à fait. Je gagne un apprentissage d'un autre archétype. Uh-huh. Du coup, j'aimerais bien un archétype. En fait, j'aimerais bien un apprentissage de de combat. Et du coup, je m'entraîne l'après-midi, tu vois. Comme je peux. D'accord, mais donc tu as peut-être quelque chose de précis en vue ou... Bah non, je sais pas. Mais peut-être qu'on verra ça la prochaine fois. Mais je te préviens juste que je m'entraîne tout l'après-midi tel Rocky Balboa et pour avoir un move de combat pour l'expédition en fait. D'accord, bah ça tombe bien parce qu'Edouard était en classe aussi. Alors du coup, vous faites monter une petite section sport, tu vois. Il y a quelques personnes qui. De champignons sport, on s'appelle d'ailleurs. Il y a quelques personnes qui vous rejoignent, tu vois, ça fait du bien. Et puis Belle qui semble ravie, qui dit oh, c'est une très bonne initiative, effectivement. Ah. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais effectivement, il y a aussi besoin de se défouler un peu. Ah, je demande à Edouard de m'apprendre à me défendre toute seule. Tout à fait, donc ça, pas de soucis. Je vais fouiller les moves des autres trucs. Du coup. Martel, toi, tu avais quelque chose en tête? Tu disais que tu avais assez d'XP aussi pour. Ouais, moi j'ai passé un. Enfin, du coup, j'ai atteint le. Ma barre d'XP était remplie, du coup j'ai pris une nouvelle. Ah d'accord, sans demander, sans rien, vas-y direct quoi. Bah c'était pendant qu'on papotait donc j'ai pas voulu. Rien à foutre quoi, très bien. J'ai pas voulu interrompre l'action. Est-ce qu'on peut quand même te demander ce que tu veux ? Bien sûr, je suis maintenant un exemple à suivre. C'est-à-dire que lorsque je fais un test de craquer devant ma famille, je bénéficie d'un désavantage supplémentaire et je choisis quand appliquer l'éventuel -1 de situation de faiblesse. Tout à fait, d'accord. Ok. Voilà. Et alors qu'est-ce que je fais de l'après-midi ? Je confie à Choco la mission de vérifier qu'on n'a pas d'autres champignons chelous dans les placards ou ailleurs dans les cuisines. Et dans les stocks, tant qu'à faire. Et sinon, je passe l'après-midi à préparer les sacs de quelques provisions et nos sacs pour l'expédition. Ok. Les vivres. Ok, d'accord. Très bien. Pitoun m'a répondu. Gros Momo aussi. Jasmine aussi. Moi, j'ai cinq coches. D'accord. Alors, tu sais dans quoi tu les dépenser ou Ouais, impossible à tomber en tant que brute. D'accord. Alors, ça fait quoi? J'ignore une coche de blessure sur le premier coup que j'ai subi dans un affrontement. Étant donné que j'en ai pris pas mal, je me dis que je sais comment. Ok, très bien, pas de soucis. Et toi, Pitoun, non, t'as pas encore de quoi faire? Non, moi j'ai 4 coches. Ok, Gros Momo, tu vas voir les chefs de faction, donc on peut gérer ça rapidement. Donc les gardoches, eux, donc tu vois Freddy, lui il te dit, vu qu'ils vont recruter, c'est toujours intéressant d'avoir plus d'armure et d'armes intéressantes. Après, bon. Il hausse les épaules en disant qu'à peu près n'importe quoi peut faire office d'arme, mais bon, si vous trouvez des trucs assez cool, ça peut toujours être intéressant, quoi. Pour équiper les nouveaux, ça sera toujours ça de bien, quoi. Ok, okay. Je te laisse prendre des notes, hein. Ouais, bien sûr, c'est fait. Donc, au niveau des mains sales, Suzette te dit que au niveau outils, ils ont déjà été assez équipés, donc c'est pas trop un souci. Par contre, après, effectivement, si vous trouvez du matos périssable, genre des Shatterton, tu vois, des trucs comme ça, des scotch, tout ce qui peut être utilisé pour réparer, du sable, des choses comme ça, voire même. Carrément des pompes ou des trucs comme ça peut être intéressant quoi. Là, elle dit je rêve pas trop, mais bon, je te demande quand même, on sait jamais quoi. Ça marche, vraiment possible. Les barbiers n'ont besoin de rien. Ils ont des feuilles et des crayons, c'est tout ce qu'il faut pour tenir leur compte à jour, donc il n'y a pas si bon de soucis. Les marmites, je ne sais pas, Martel. Bah de bouffe qui soit autre chose que des champignons. Ça va, Martel, de toute façon tu viens avec nous, et de quoi on aura besoin. Ouais, mais ça n'empêche pas que c'est la priorité des marmites, en tout cas, c'est de refaire les stocks là actuellement. Et puis maintenant, toi, en tant que chef des ampoules, tu peux aussi monter d'autres expéditions, tu vois, donc c'est pas... Voilà. Au niveau des binocles, Belle te dit que si tu trouves... après elle dit je sais bien que c'est pas forcément la priorité, mais voilà, si tu trouves des boîtes de crayons de couleur, des feuilles, des paquets de feuilles, bon, c'est toujours intéressant, on commence à en manquer quoi. Et puis c'est tout. Je prends un crayon de feuille, j'écris tout ce qu'ils ont besoin et je la garde dans ma poche. D'accord. Il y a Belle qui te voit faire et qui corrige les fautes que tu fais du coup. Si j'arrive pas à écrire, je le dessine le truc genre. Okay. Et donc l'après-midi se finit et là vous entendez une porte qui s'ouvre, peut-être que vous entendez ce grincement par-dessus les bruits ambiants et vous entendez quelques pas se faire dans le couloir alors que Marco sort de l'alambic, nourson dans les mains qu'il retend à Pitoun qui passait par là. Il te regarde d'un air vide. Tiens, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Je le prends et puis je le reprends. C'est sur mon lit, en fait. Ah, il le garde une seconde de trop dans sa main, tu vois. Au moment où tu commences à tirer dessus, il le garde dans sa main et il le relâche après 7 secondes. Et nous allons terminer ici ce soir, si ça vous va. Ok, très bien. Oui, très bien. Désolé, je n'ai pas de Il n'y a pas de gros cliffhanger ce soir. Pas à chaque fois. Non, dommage. Ça finit en clip musical. Il y a une musique, on fait tous des trucs, tu vois, pour se préparer. Ok, bah donc j'espère que cette troisième session vous a plu. Et je dis au revoir à nos auditeurs. Au revoir. Ciao. Salut. Ciao. Tous les deux danseurs, d'étranges affaires, d'un bout à l'autre de l'existence. Si le temps passé reste éphémère, le temps qui s'écoule est immense. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand on sera grand? On se répète ça tous les jours depuis la nuit des temps.